Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 1, colonne 5. Notre marché. Samedi dernier, notre marché était abondamment fourni. Les disciples de Saint-Hubert avaient apporté quantité de perdrix. Elles se vendaient de 40 à 50 cents le couple. Les prix des autres marchandises étaient le même que la semaine précédente.